avec le corbeau qui parie sur ta vitesse de décomposition. Tu pourrirais au grand soleil si j'étais pas si midinette, avec le vent qui joue de l'harmonica avec tes os. Avec le soleil qui noie le soir, nord et de sang les canyons, tu tournoierais dans la poussière.